Voyons maintenant les mots se terminant par ible, I-B-L-E. Si histoire se dit historia, H-I-S-T-O-R-I-A, et croire, creer, C-R-E-E-R, comment diriez-vous? Cette histoire n'est pas très crédible. Esta historia no es muy creíble. Est-ce que je vous ai piégé? Vous avez dit crédible? On vous aurait compris de toute façon. Mais rappelez-vous qu'il faut enlever les lettres R de creer et ajouter ible. On obtient donc creíble. Donc, cette histoire n'est pas très crédible, se dit esta historia no es muy creíble. Voici un autre mot qui est aussi un peu trompeur. Comme vous le savez, vendre se dit vender, V-E-N-D-E-R. Alors, comment diriez-vous vendable? Vendible. Vendible, car le verbe est vender et non vendar. Si cette voiture se dit este coche, C-O-C-H-E, et nouveau, nuevo, N-U-E-V-O, comment diriez-vous? Cette voiture n'est pas nouvelle, mais elle est vendable. Este coche no es nuevo, pero es vendible. Este coche no es nuevo, pero es vendible. Vous avez bien dit, j'espère, no es nuevo, et non, no es nueva, vu que coche est masculin. En Amérique latine, vous entendrez aussi les mots carro, C-A-2-R-O, ou auto, A-U-T-O, pour dire voiture. Auto est l'abréviation de automobile. Si traduire se dit traducir, T-R-A-D-U-C-I-R, comment direz-vous traduisible? Traducible. Traducible. Sachant que expression se dit expression, E-X-P-R-E-S-I au accent aigu N, comment diriez-vous cette expression n'est pas traduisible? Esta expresión no es traducible. Esta expresión no es traducible. Quel mot en ible pouvez-vous retrouver maintenant à partir de définir? D-E-F-I-N-I-R, qui signifie, comme vous avez pu le deviner, définir. Définible, c'est bien ça, comme dans una palabra facilmente definible, un mot facilement définissable. Donc, les verbes en ir débouche aussi sur la terminaison ible. Définible, c'est ce que j'appelle un mot sophistiqué. Michel Thomas a toujours voulu enseigner ces mots sophistiqués pour éviter d'avoir ce qu'il appelait un langage élémentaire. Nous avons déjà vu plusieurs mots un peu plus compliqués et je continuerai de temps en temps à vous en montrer, histoire d'enrichir votre vocabulaire. Revenons maintenant à du vocabulaire plus basique. Vous savez déjà que boire se dit beber. Donc, si vin se dit vino, V-I-N-O, en prononçant bien le V comme s'il s'agissait d'un B, comment diriez-vous? Ce n'est pas un vin excellent, mais il est buvable. Allons-y point par point, ou vamos por partes, comme l'on dirait en espagnol. Traduisez d'abord. Ce n'est pas un vin excellent. No es un vino excelente. No es un vino excelente. Comment dites-vous maintenant? Mais il est buvable. Je vous rappelle que le verbe est beber. Pero es bebible. Pero es bebible. Dites maintenant la phrase d'une traite. Ce n'est pas un vin excellent, mais il est buvable. Vous avez réussi? J'espère que oui. No es un vino excelente, pero es bebible. Vous pouvez me redire la phrase? No es un vino excelente, pero es bebible. No es un vino excelente, pero es bebible. Faites attention à la prononciation de vino et de excelente. Comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, vous pouvez énormément accroître votre vocabulaire en créant des mots en hable et ible.